Désolé encore. Donc, soyez avec nous du lundi au jeudi entre 7h et 9h. François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante, pour Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On a donc du plaisir. Ah, oh, on a vu ça. Tu devrais venir une fois de temps en temps. Ben, j'aimerais bien ça, mais j'ai des échos juste le matin. Mais par exemple, quand je suis dans le trafic, je vous écoute. Ah ouais! Mais je vous écoute dans le trafic.